Mon nom c'est Diallo Abdrahman. Je suis vraiment ravi de m'exprimer ce matin sur votre radio. Voilà, je suis habitant de Neupad. Ouais, comme tout au début, voilà, on est là. On a été les premiers occupants du lieu. Au début, c'était pas facile, mais bon, au bout du compte, on a fini par être accepté sur le lieu avec l'accord de la mairie, quelques syndicats. Du coup, ça s'est bien passé. Dès le début, on a commencé à faire des réunions pour pouvoir mettre des ordres, des règles en place qui doivent être appliquées sur tout le monde. Tout le temps, on essaie de mettre des réunions. On a mis en place plein de commissions. On a des commissions, on a commission de cuisine, commission accueil, commission nettoyage, tranquillité. Tout ça pourvu que ça se passe très bien. On a des règles qui sont établies, qui sont applicables à tout le monde, sans distinction d'ethnie, de race, ni de religion. Les règles sont. Les premières règles étaient que de ne pas fumer, de ne pas amener de l'alcool. Ça se passe très bien. Nous sommes là, soudés. Comme des frères et sœurs, ça se passe hyper bien et on arrive aujourd'hui à avoir des soutiens puisque il y a des cours, il arrive qu'on tienne des cours ici de français pour ceux-là qui ne sont pas bien en français. On a notre free shop, Dieu merci, on arrive à avoir des dons avec l'appui aussi de des voisins, là ça se passe très bien, Dieu merci. Et tu dis les voisins et plutôt ils sont là en soutien? Ouais, parce que tout récemment on a eu à faire une goûter, les voisins ils ont répondu à l'appel, ils étaient là nombreux, beaucoup aimeraient nous voir ici, même au-delà du 31 mars. Ils sont là, ils nous assistent. Il y a d'autres dans la cuisine qui viennent apporter leur soutien et puis qui nous apportent aussi à manger, des vêtements. Par rapport à ceux, eux, nous sommes tranquilles. Ils sont juste qu'ils sont inquiets. Ils aimeraient plus nous voir ici, même au-delà du 31, mais bon. Dans vos discussions en Assemblée générale, quand vous parlez d'après le 31, c'est quoi les possibilités pour vous? Ben, nous sommes en train de faire des démarches. On a rencontré, on a eu pas mal de rencontres avec la mairie, avec Nantes Métropole Habitat et les futurs acquéreurs aussi, qui est l'édit de Nantes. On les a exposé notre problème. Ils nous ont expliqué leur programme sur le lieu. L'édit de Nantes qui est le futur acquéreur. Il s'agit de que dans le futur, ça serait un lieu qui va être à la disposition des travailleurs. Des travailleurs qui n'ont pas tellement de revenus parce que c'est un truc aussi purement social et des fois ils travaillent aussi avec des migrants. Ils ont plus de 40 à 50 aussi migrants qu'ils essayent d'aider. Le but c'est de les loger et puis par après à un coût moins par après pour que ça se passe très bien dans leur insertion dans la société. C'est des trucs purement sociaux, mais nous aussi on les a expliqué notre problème parce que nous sommes là, c'est quelque chose de social aussi. Nous sommes des immigrants, qui ont traversé la Méditerranée, qui ont dû passer, qui ont perdu des amis, des proches, qui ont fui des guerres, des trucs qui sont horribles. Nous sommes là dans ce cadre, mais bon, on essaye de dialoguer avec eux pour pouvoir vraiment avoir leur confiance pourvu que nous puissions occuper le lieu jusqu'au-delà de 31. Nous vivons plus de 200 et quelques personnes, presque, je pèse mes mots, mais bon, vouloir rejeter tous ces gens-là et se retrouver dans la rue, je pense que ça serait très grave, personne ne mérite cela, quoi, C'est ce que je souhaite. Ouais. Ben, bon courage. On est là et on espère qu'il y a plein de gens sur Nantes qui viendront le 31 mars fêter la prolongation du lieu. Ouais, ainsi soit-il, on le souhaite vraiment. Et voilà, on a même prévu là, une manifestation contre toutes les expulsions. Ça se tiendra le 30 mars, donc à partir de 12 heures, au niveau de commerce, c'est là-bas, on doit se croiser. C'est une façon de montrer à l'État que voilà, nous sommes contre l'expulsion. Ce que nous voudrons aujourd'hui, c'est pouvoir s'insérer dans la société. Nous ne sommes pas des délinquants. Parmi nous, il y a des menuisiers, il y a des gens qui sont diplômés, c'est des gens responsables. Donc voilà, c'est ce que je souhaite, quoi. Bah merci mille fois. Et du coup, rendez-vous le 31 mars à Commerce. C'est moi qui vous remercie. Voilà, l'appel est lancé. Venez massivement. Voilà, nous comptons sur vous parce que voilà, le combat, c'est élargi, c'est commun, quoi. Donc, pourvu que ça se passe bien, on compte sur vous.